Alors, nous revoici pour la deuxième partie de cette conférence, les mécanismes de la pensée. Ici, j'ai une question, Daniel, qui n'a pas à faire avec les mécanismes de la pensée, mais je vais te la poser. Pourrais-tu nous parler un peu des projets que tu nous prépares pour l'automne et les jours? Est-ce la fin de semaine ou un autre jour? Très important. Oui, bon, mais effectivement, ça n'a pas tellement rapport, mais disons que très brièvement, si la personne qui a posé cette question-là peut venir à la conférence du mois dimanche, dimanche en soirée, là, elle va avoir la réponse. Présentement, mettons, ce que j'ai réussi à trouver, disons, à bâtir une espèce de technique qui permet d'avoir, disons, un simili, là, entre guillemets, une photographie de notre plan évolutionnaire, de notre schéma d'évolution, bref, où ce qu'on est rendu. Fait qu'on peut voir clairement où on en est au niveau physique, au niveau vital, au niveau astral, au niveau mental, puis au début du niveau du mental supérieur. Et puis à partir de là, ben c'est ça, il y a des espèces de cours très condensés, c'est-à-dire des cours où tu n'es pas là pour étirer ton temps, mais tu es là pour réellement apprendre des cours pratiques. Ça va être juste pratique en plus des conférences. Et ça, ça va se donner, je ne sais pas encore si ça va se donner les fins de semaine ou les soirs. Mais cet automne, ça va s'organiser. De toute façon, il va sans doute y avoir plus qu'une personne pour donner les cours. C'est-à-dire que moi, je vais former du monde, puis c'est possible qu'on puisse donner, s'adapter pas mal à ce qui va à la demande. Ouais. Fait que je pense que. Mais tel qu'on avait parlé, ça va probablement être le mercredi soir, je pense. Pour commencer, oui, sans doute. Partir, mais par après, ouais. Il peut y avoir d'autres soirs, puis ça peut être aussi les fins de semaine. Ouais. Oui. Lorsque tu vis une expérience et que ton. L'énergie s'exprime principalement en émotivité, que tu observes ce qui se passe et que tu conscientises cette émotivité. Que fais-tu avec cette émotivité? C'est quoi l'émotivité? Laisse-moi non lire la question, tu me fais faire des choses. C'est l'émotivité? La réprimes-tu et en subir les conséquences ou... Et qu'est-ce que tu as fait avec l'émotivité? Là, tu l'as-tu réprimé? Ben non, c'est en as subi les conséquences. Ben, je pense que j'en ai subi une partie des conséquences, mais tu m'as pris par surprise. C'est ça. Alors, lorsqu'on vit une expérience, c'est que notre énergie s'exprime principalement en émotivité. Ben, si elle s'exprime principalement en émotivité, on en subit toujours les conséquences. Par contre, il y a des conséquences qui sont positives pour l'homme et des conséquences qui sont négatives pour l'homme. Parce que, en termes français, une conséquence, c'est pas nécessairement une chose négative. On l'a subit. Ben, il faut s'entendre. L'émotivité vit l'expression émotive et le mental, donc l'intellect, subit l'expression émotive. Et l'être, l'homme, ça, je vais revenir sans doute cet automne sur ce qu'est l'homme, l'être. Vis-à-vis la pensée. C'est ça. Parce que justement... Parce que la pensée, on l'a juste fait on a un juste tour, effleuré là. La pensée. Alors l'être lui-même subit toujours quelque chose si c'est pas lui qui s'exprime. Et qu'est-ce que c'est que s'exprimer, disons, dans sa totalité? Bien, évidemment, ça veut dire avoir une condition physique adéquate à l'expression, mais une condition physique adéquate à l'expression, c'est une condition physique, un véhicule physique qui a atteint l'étape du contrôle, qui se contrôle, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des individus, contrôle total, un contrôle vital, un contrôle psychologique, donc un contrôle astral, un contrôle mental. Et quand tout ça arrive à pouvoir faire une seule et même personne, donc, disons, fusionner, bien évidemment, là, il n'y a plus personne qui subit une expression. Il n'y a qu'un individu complet, total, qui vit une expression, qu'elle est de type astral ou de type mental ou de type physique. Un coup de poing, c'est de type physique. Alors, ce qui arrive, c'est que présentement, bien évidemment, si je m'exprime au niveau astral, bien disons que ma conscience astrale étant celle qui... prédomine, vu que j'exprime une forme astrale, une forme émotive, ma conscience émotive domine, donc je vis une émotion. Pourquoi? Parce que dans mes mémoires, qui va rester, la trace qui va rester de l'événement va être une trace d'un vécu d'émotivité. Donc, j'ai vécu l'émotion. Mais on subit toujours, c'est-à-dire que l'être qui devrait normalement être totalement conscient dans l'homme est inconscient quand il y a une émotion qui est subie. Mais il peut arriver un temps où l'homme va être capable de, disons, pas de faire semblant d'exprimer une émotion, mais ça peut ressembler à ça. Alors, si par exemple, moi, prenons un terme québécois, je fake la colère, ben tout le monde pense que je suis en colère, Et effectivement, ça a le même résultat que si j'étais en colère. Mais moi, je suis conscient que je permets à la colère de s'exprimer. Donc, de ce fait, ça ressemble à quelqu'un qui imite la colère. Alors, par exemple, pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des adultes, de temps en temps, il faut imiter certaines choses. Et en l'imitant, ça donne l'impression qu'on est ça. Mais j'exprime effectivement mon émotivité, mais j'en suis conscient. Je la permets. Alors, ce qui fait que là, automatiquement, je la vis, je ne la subis pas. Mais l'homme, présentement, qui a une émotivité, la subit. Par contre, il y a les conséquences qui vont être bonnes, les conséquences qui vont être nuisibles. Et si l'homme la subit, c'est que l'homme ne la canalise pas, l'homme n'est pas conscient. Et si l'homme n'est pas conscient, bien, comme je vous dis, il y a des conséquences qui sont négatives, ça, vous le savez. Il y a des conséquences qui sont positives, vous le savez aussi parce que vous les recherchez. Et si on ne peut pas le canaliser, bien, si on vit une vie où il y a plus de conséquences négatives que de positives, bien, évidemment, notre quota de bonheur descend, notre quota de malheur augmente, et puis on est mal pris. Et si c'est moitié-moitié, ça ne change rien pareil. L'homme passe sa vie à rechercher le plaisir et à fuir la douleur. Et ça, c'est une démarche infernale qui est née de l'incompréhension, justement, des mécanismes de la psychologie émotive, mémorielle, et de la psychologie pensive, intellectuelle. Alors, ce qui fait que présentement, disons, dans le cadre où l'homme est rendu dans son schéma évolutionnaire, l'homme va surtout subir son émotivité en bien comme en mal, c'est-à-dire que ça va être constructif pour lui ou destructif pour lui, sur le mal c'est relatif. Alors présentement, ben c'est ça, il faut s'arranger pour être conscient quand on exprime une émotion. Si j'ai de la joie, je peux prendre conscience que je suis joyeux puis je continue à être joyeux. Faut pas que j'intellectualise ma joie, parce que là, je détruis la joie elle-même. Alors si je suis heureux, ben essaie de faire l'amour puis essaie de te rendre compte puis essaie d'analyser ça. Ben, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus grand-chose à analyser. Puis ta femme va s'en rendre compte avec. Bon. Alors, ce qui fait que prendre conscience, ce n'est pas analyser d'une façon intellectuelle. Vous savez que vous êtes vivant, mais si vous essayez d'étudier le fait que vous êtes vivant, vous étudiez ce qui était mémorisé dans vous, dans votre vécu. Mais si vous voulez réellement prendre conscience que vous êtes vivant, il ne faut pas vous essayer de l'analyser. Parce que quand on analyse quelque chose avec l'intellect, c'est bon, parce que ça nous permet d'être efficace. Disons que présentement, c'est la seule clé qu'on a pour être réellement efficace, à part le hasard. Bon, puis le hasard, hein, entre guillemets. Alors, ce qui fait que, pour être totalement, disons, efficace, il faut pouvoir penser, et la pensée, elle est bonne, mais elle a les défauts que tout à l'heure je vous parlais, quand je vous exprimais le fait que le mur était jaune, que la banane était jaune, donc que la banane était mûre. Alors, c'est que c'est une intelligence qu'il faut justement, auquel il faut apporter une certaine attention, mais il faut jamais et jamais prendre au sérieux cette intelligence-là. Parce que sans ça, on croit en des dieux qui ne nous amènent rien. Si le médecin rentre dans la salle d'opération et vous avez un appendicite, il devrait vous faire une appendicectomie, vous ôter l'appendice, puis que le médecin se met à genoux et commence à prier pendant 2 heures, ben, il y a des fortes possibilités qu'un autre chirurgien doive le remplacer pour régler votre problème. Alors, c'est ça. Pendant longtemps, l'homme a prié. Juste pour vous donner un exemple, on parle souvent que la prière, c'est bon. Je fais un petit détour de rien, là. La prière, c'est extraordinaire, mais c'est qu'il y a un phénomène qui se passe quand on prie, c'est qu'on crée une forme pensée, donc on forme un égrégore, on réussit à agglomérer une forme d'énergie. Si on est 400 milliards d'individus à prier de la même façon, alors depuis le début du christianisme, par exemple, on crée une forme pensée extraordinaire, énergétique, qui est capable d'exorciser, qui est capable de guérir instantanément n'importe qui. Mais quand vous priez pour une guérison, vous ne faites que renforcer l'égrégore, mais vous ne vous servez pas de l'égrégore pour guérir. Et un jour, un être intelligent va venir, va se servir de l'égrégore que l'humanité va avoir construit. Puis il va être capable de s'en servir et on va dire « Ah, voilà Dieu! » Non, n'importe qui peut faire ça quand il a la connaissance. Prier, c'est bon, mais faire une appendicectomie, c'est plus adéquat pour l'instant, étant donné que l'homme n'a pas intellectuellement la connaissance nécessaire pour pouvoir descendre l'égrégore et s'en servir. Et puis le problème qu'il y a, c'est que les égrégores, on en construit qui sont extraordinairement positifs, donc bienfaisants pour l'homme, pour l'humanité. Bienfaisants, c'est-à-dire que ça va l'obliger à évoluer. Mais on construit aussi des égrégores qui sont totalement et foncièrement, disons, négatifs, c'est-à-dire qu'ils forcent l'homme à évoluer. Et puis, c'est la même chose. Quand un être qui a l'intellect, donc l'intelligence, adéquate pour pouvoir se servir de l'égrégore, ben, s'il tombe du côté noir, donc s'il va chercher l'égrégore noir, ben, on a eu des exemples au cours de certains conflits mondiaux, et puis on risque d'en avoir d'autres. Alors, cet égrégore-là, justement, qui est né de toutes les formes pensées de prière, c'est quoi une prière? C'est un désir. C'est quoi un désir? C'est une expression de l'astral. Vous voulez qu'une personne guérisse parce que vous voulez qu'elle soit en santé, parce que ça vous touche. Et si ça vous touche, c'est pas votre pensée qui est touchée, c'est votre émotivité qui est touchée. Mais quand vous avez peur, c'est aussi une prière. Et quand vous êtes en colère, c'est aussi une prière. Et quand vous faites du mal, ben c'est aussi une prière. Et ça crée un égrégore noir. Et qu'un individu ou une masse d'individus un jour peut posséder et s'en servir. Et c'est la même force. Alors cet égrégore-là peut manipuler des individus, disons, qui sont bas. Pardon, comme l'égrégore positif va manipuler certains individus. Et si l'intellect s'en mêle, bien l'intellect peut comprendre et l'intellect peut contrôler, c'est-à-dire canaliser les formes d'énergie. On ne peut pas détruire ce qui est noir, par contre, on peut se servir de ce qui est blanc. Et puis comme l'humanité veut pas, même les pires humains, l'allié de l'humanité, comme l'humanité veut s'améliorer, on s'améliore mal, on a peur, on veut faire le bien, mais on le fait mal. Mais l'humanité veut quand même s'améliorer, donc toujours plus d'égrégores positifs que d'égrégores négatifs. Mais évidemment, si on sert de l'égrégore négatif avant l'égrégore positif, bien évidemment, ça pourrait créer ce qu'on attend et ce qu'on a peur un peu quand on parle d'apocalypse. Mais pourquoi que le blanc gagne toujours, c'est-à-dire que l'énergie positive gagne toujours? C'est parce que foncièrement, l'homme est bon. Donc, il y a foncièrement plus d'énergie positive. Ce sont des prières et... quand on vit une émotivité, quand on vit, on la subit pour l'instant parce que notre intellect n'est pas capable de la comprendre. Et quand si on veut, disons, imiter une personne en colère, imiter une personne qui a peur, les acteurs font ça souvent, hein, puis ils vous trompent. Vous allez voir un film et puis vous voyez quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui pleure, puis vous partez à pleurer. Peut-être pas tout le monde parce qu'on a encore de l'orgueil, on a encore des raisons. Mais n'empêche que, émotivement, l'émotivité, ben on embarque. Pourtant, c'est une personne qui ne fait qu'imiter. Alors, imiter quelque chose, ça donne le même résultat dans la réalité que de le vivre. Sauf que si on le subit, donc si on ne l'imite pas. Et imiter, c'est quoi? C'est quand le mental le sait et il le permet. Et si le mental ne le sait pas, donc ne le permet pas, et que c'est l'émotivité astrale qui prend le dessus, bien, ça nous détruit. Quand c'est négatif, et ça nous reste, garde stagnant, ou ça nous construit légèrement, tout dépend d'où on en est rendu, quand c'est positif. Mais si on le contrôle pas, ben on n'a pas accès, on peut pas décider si on laisse exprimer de quoi qui nous aide et de quoi qui nous aide pas. Si on contrôle pas, on est heureux puis on est content, on dit c'est bon. Puis quand on est malheureux, ben là on n'est pas content, mais on peut pas contrôler plus. Alors ce qui fait que présentement on subit, mais il va venir un temps où l'homme va être capable de vivre parce que l'homme va permettre l'expression de l'émotivité. Ce qui est pas bon, on l'oublie. On la transforme en énergie positive, en énergie qui va aider. Alors c'est simple. J'espère que ça répond. Pourrais-tu nous donner des exemples concrets de la canalisation des émotions, en l'occurrence la dépression? Voilà, je ne peux pas t'en donner, j'en ai pas sur moi. Fouille. Pourrais-tu donner des exemples concrets de la canalisation, disons, d'une dépression? Ben oui. Oui, mais c'est complexe et long. Une dépression, c'est quoi? C'est simplement la prise de conscience inconsciente. Ça, c'est original de penser que l'homme peut inconsciemment prendre conscience de quelque chose. Vous prenez inconsciemment conscience d'un danger, donc vous avez peur. Alors, c'est un exemple d'une prise de conscience inconsciente. Vous êtes, disons, dans un état psychologique, parce que la dépression n'est jamais intellectuelle, elle est qu'émotive. Vous êtes dans un état psychologique extraordinaire. Vous volez, vous flottez. Alors, appelons ça un état énergétique 5. Hein? Bon, alors c'est une référence. Et puis, tout d'un coup, vous descendez à un état énergétique 3. Alors évidemment, potentiellement, c'est-à-dire que de l'état énergétique où vous étiez à celui où vous vous trouvez, il y a une différence de potentiel, une différence d'énergie. Et cette différence-là, elle est vécue par l'individu, par la psychologie, comme étant une dépression. D'ailleurs, le terme dépression, c'est ce qu'il veut dire, manque de quelque chose, une descente. Maintenant, c'est que la dépression, elle est relative. Alors, comment canaliser ça? Bon, il faut premièrement comprendre le mécanisme même de la dépression. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est en dépression a suffisamment d'énergie pour pouvoir comprendre, mais elle ne le sait pas. Et ne le sachant pas, une personne qui est dépressive, devra y aller par le raisonnement ou se faire raisonner par une tierce personne. Alors, si, par exemple, vous venez ici à la conférence, puis ça, on l'explique de temps en temps lors des séminaires ou même des conférences, il y a des personnes qui venaient ici régulièrement, mais qui ne viennent plus. Pourquoi? Parce que quelques jours après la conférence, ils étaient en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent ici avec un état énergétique, disons, de l'ordre de niveau 5. Et après la conférence, ils partent avec un terme énergétique de l'ordre de, disons, de niveau 8. Alors, évidemment, ils se sentent, là, ils volent 3 pieds plus haut. Mais une semaine après, disons, ou 3-4 jours après, elles reviennent à la normale. Donc, du niveau 8, elles redescendent au niveau 5, ce qui est normal pour eux. Mais la différence de potentiel leur donne l'impression psychologique qu'ils viennent d'être en dépression. Ils n'ont plus d'énergie. Ils sont down, hein? Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais ils sont revenus normal. Mais par rapport à où? À leur départ, justement, avant de devenir normal, bien, ils ont une dépression. Puis je parle d'énergie, mais c'est exactement ça, une dépression psychologique. Vous n'avez pas l'énergie pour la surmonter. Vous vous ennuyez, vous n'avez pas l'énergie de faire de quoi? Alors, une dépression, bien, si la personne est en début de dépression, elle peut se la raisonner. Donc, si l'intellect prend le dessus, l'émotivité ne viendra pas s'exprimer. Une dépression, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est l'inconscience de la totalité, ou du moins, ou de la quantité d'énergie qu'on a, et on ne se croit plus capable. On ne voit pas le potentiel d'énergie qu'on a, puis on se pense plus bas que ça. On est en dépression parce qu'on est épuisé. Pour bien des raisons. C'est complexe. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire une conférence complète sur la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes formes de dépression. Il y a différentes causes à la dépression. Elles se règlent toutes de la même façon. Mais si j'explique juste la solution, je peux le faire. D'ailleurs, je vais le faire. Mais ça peut ne pas être compris par une personne qui vit une forme de dépression. Pourquoi? Parce que je n'ai pas expliqué ou elle n'a pas la compréhension, justement, du chemin qu'elle a pris pour arriver à cette dépression-là. Alors, si moi, je suis déprimé, bien, c'est toujours la même chose qu'il faut faire, c'est l'observation. Ça, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moyens d'arriver à s'en sortir, mais il y a des moyens plus complexes qui demandent plus de bagages, qui sont peut-être plus efficace en termes de temps, plus rapide, mais plus rapide seulement si on peut l'appliquer. Alors, très, très long si on ne peut pas l'appliquer. Alors, l'observation, c'est réellement ce qui est le plus... C'est exactement comme tout à l'heure, j'expliquais, vous vous regardez dans un miroir quand vous êtes en colère. Votre femme est en colère, ben non, votre mari est en colère, puis il crie, puis il grimace. Sortez un gros miroir, mettez-lui devant lui. Bien, évidemment, si l'orgueil est plus puissant, il va falloir qu'il brise le miroir. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire qu'empressement. Sinon, bien, il va partir à rire. Parce qu'imaginez-vous qu'on a l'air fou en mots, t'as dit. Quand on gueule, on se reconnaît pas, ben c'est pas nous autres non plus, c'est pas notre personnalité dominatrice qui est là. C'est une personnalité colérique. Alors, quand on est dépressif, si tu regardes dans un miroir physique, ben tu peux te déprimer encore plus, évidemment, parce que ça va juste confirmer ce que tu penses. Mais si le feu prend dans la maison, ou si tu gagnes 1 million à la loterie, tu vas voir que tu en as de l'énergie d'accumuler en tabarouette, puis bien plus que tu pensais, justement, parce que tu vas sauter dans les airs. La personne que t'aimais vient de partir, tu fais une dépression. Puis là, si quelqu'un t'a dit, moi, mais gros, il fait quoi? Il va travailler. Ah, oh, mais j'ai pas le goût, je suis pas capable d'aller travailler. Bon, mais si la personne revient, ah, ben là, hein, tu vas courir 1 000 pour aller la rejoindre, hein. Elle revient à l'aéroport, là, puis t'as plus d'auto, t'as tout vendu, les pneus sont dégonflés, plus rien. T'as perdu ta clé de la maison, mais c'est pas grave, t'as même plus de serrure, l'huissier est venu la chercher. Puis d'un coup, t'entends parler que ton chum ou ta blonde, elle revient, là. T'es à l'aéroport. Fais-moi confiance que tu vas trouver de l'énergie pour prendre un taxi, pour avoir un lift, pour n'importe quoi, tu vas aller le rejoindre. Parce que l'énergie, elle est là. Mais l'homme ne la voit pas. Alors, la dépression, bien, si tu es capable d'observer, pas dans un miroir, parce que là, évidemment, ça va juste venir, disons, nourrir ta psychologie dépressive. Mais si tu serais, mais normalement, en dépression, on n'est pas. Alors, ce qui fait que, quand on commence à être en dépression, ben, faut pas rester seul, faut immédiatement faire quelque chose. Parce que la dépression, c'est comme l'ennui, c'est une forme d'énergie. Puis elles sont rares, sont très rares, ces formes d'énergie psychologique destructive-là. Ils sont très rares. C'est une forme d'énergie qui est capable de s'auto-engendrer sans avoir besoin de stimulation extérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as peur, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, si tu entends un bruit, tu as plus peur. Mais à un moment donné, si tout redevient normal, tu n'as plus peur. C'est correct. Mais si tu t'ennuies, ben même si tu allumes la télévision, ben il n'y a rien d'intéressant à aucun poste. Il n'y a pas de radio. Tu appelles chez le voisin, il n'est pas là. C'est engagé. Ça ne tente pas de rien faire. Tu regardes dans le journal, voir les films, puis il n'y a rien. Même ça, même si tu as des stimulations pour t'aider à revenir, l'ennui, elle, elle n'a plus besoin de rien. C'est une... Ou la dépression. C'est quelque chose, à un moment donné, qui va amener l'individu à fermer ses contacts avec l'extérieur. Puis là, l'énergie va grossir à l'intérieur de lui. C'est pour ça que, normalement, une dépression, on a besoin d'une aide extérieure. Il ne faut donc pas s'enfermer, parce que c'est ça le problème de la dépression ou de l'ennui. La dépression elle-même, si on peut s'observer, mais c'est très rare qu'un individu dépressif peut s'observer lors d'une dépression, parce qu'il l'aurait faite avant la dépression. Alors, canaliser une dépression, on peut aider un individu dépressif à canaliser sa dépression, mais nous autres même, quand on est avancé dedans, ben c'est ça, sortez, venez en conférence, allez voir Indiana Jones, faites n'importe quoi, mais faites de quoi. Et quand vous allez redevenir normal, si présentement vous n'êtes pas en dépression, ou si vous êtes une dépression qui est mineure, c'est-à-dire que votre faculté intellectuelle est encore apte à fonctionner, ben là, c'est le temps de vous observer. Vous essayez simplement de voir à quoi vous ressemblez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez de l'air? Puis à un moment donné, vous allez partir à rire. Mais si vous vous regardez et vous vous trouvez encore plus laid, c'est simplement parce que ce n'est pas l'intellect qui regarde, c'est votre émotivité qui essaye de se voir pour pouvoir nourrir son expression, donc pour pouvoir nourrir sa dépression. Il faut que le mental s'observe, le mental puisse voir ce qui se passe. Moi, j'ai tel âge, j'ai telle condition physique, j'ai toujours fait telle affaire, j'ai déjà eu des passes pires que ça, je les ai bien surmontées. Ça, c'est l'intellect qui est en train de fouiller dans les mémoires pour essayer de bâtir quelque chose. Puis là, présentement, ben, il m'arrive juste ça, puis je suis tout bon. Quand je vais marcher sur le Mont-Royal, je me sens mieux. Quand j'ai des petites affaires, mais là, ça ne me tente pas. Mais qu'est-ce qui ne vous tente pas? C'est qui ne veut pas bouger? C'est votre pensée. C'est votre pensée émotive. Quand vous êtes couché, là, puis que vous vous sentez paresseux, le cadran sonne. Fait que là, quand vous l'éteignez, et puis là, vous pensez à tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, puis ça ne vous tente pas de vous lever, hein? Mais ce n'est pas le corps qui est paresseux, c'est votre pensée qui est paresseuse. Mais la pensée qui est paresseuse, c'est une pensée qui ne veut pas, c'est une pensée émotive, pas une pensée intellectuelle. On maudit souvent l'homme d'affaires parce qu'il réussit, mais lui se sert souvent de sa pensée intellectuelle. Ça, il ne tente pas de se lever non plus. Mais c'est logique qu'il se lève pour faire ça, ça, ça, ça, ça. Après ça, il va prendre des vacances. Fait qu'il se lève. Mais la pensée émotive, elle ne veut pas vous faire lever. Mais c'est elle, justement, qui vous contrôle. C'est elle qui amène la dépression. Si tu regardes au niveau intellectuel, donc si tu regardes avec la pensée intellectuelle, la pensée mentale, bien, il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas de dépression qui va apparaître. Il n'y a pas d'ennui qui va apparaître. Il n'y a pas de paresse qui va apparaître. Il n'y a pas quoi que ce soit qui va apparaître. Parce que la pensée ordonnée, hein, de l'intellect règle ses propres problèmes d'une façon logique. C'est pas logique d'avoir peur. C'est pas logique d'être paresseux. Non. La dépression, elle se canalise surtout à ses débuts ou par quelqu'un qui peut aider une personne en dépression. Mais si votre mental peut voir que quand vous allez prendre une marche sur le Mont-Royal de temps en temps, ça vous fait du bien, mais ça vous tente pas. Mais c'est votre psychologie émotive qui veut pas bouger. C'est elle qui s'ennuie. C'est elle qui est dépressive. Alors là, c'est simplement ce qu'on appelle un petit peu la volonté. L'énergie, vous l'avez, bien, servez-vous-en. Fait que vous vous levez, vous prenez vos deux jambes, vous prenez tout ce qu'il vous faut, puis vous sortez, puis c'est bien plate, puis vous sortez, puis à un moment donné, bien, c'est moins plate, puis c'est de moins en moins plate. Pourquoi? Parce que votre émotivité va finir par s'exprimer dans le contemplement des oiseaux, des barbottes dans le lac des castors, dans quelque chose d'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, au lieu de s'exprimer dans sa dépression ou dans son ennui, elle finit par s'exprimer dans d'autres choses, et elle doit s'exprimer. Alors, l'émotivité va s'exprimer. En bien ou en mal, elle s'en balance. Elle va s'exprimer. Fait que c'est à vous de s'organiser pour qu'elle s'exprime d'une manière positive. Et ça, l'intellect peut le faire. Pas l'émotivité. Tu parles de façon très logique. Par contre, je sens beaucoup d'émotivité dans ton attitude physique. Est-ce que je me trompe? Non, parce que je suis un être humain. Et j'ai énormément d'émotivité. Ce sont ceux qui me connaissent bien. Ils savent qu'on peut s'amuser, on peut rire, on peut... Bon, mais quand c'est le temps... Par contre, quand il y a des choses hyper dangereuses, des affaires où on doit absolument être efficace, ben l'émotivité, j'en ai plus, parce que c'est pas utile qu'il y en ait. Mais effectivement, j'en ai. Ben oui, je suis un être humain. C'est pour ça que je vous dis qu'une personne qui se conscientise ne devient pas un robot. Elle est de plus en plus humaine. Parce qu'elle est capable de dire ce qu'elle a à dire à du monde. Elle est capable d'éduquer comme il faut. Elle est capable de donner de l'émotivité quand l'individu extérieur en a besoin. Un enfant, elle n'est pas lui dire qu'il doit pas être dépendant de l'amour des autres. C'est évident qu'à un moment donné, il ne faut pas être dépendant d'autrui. Parce que si notre bonheur dépend des autres, ben on va être malheureux tout le temps. Mais l'enfant, lui, il a besoin d'affection. Mais moi, étant ce que je suis, je suis capable de lui en donner bien plus qu'un individu qui se dit humain normal. Alors même si vous vous conscientisez, vous ne devenez pas un robot, vous devenez un être humain de plus en plus humain, de plus en plus efficace, sous tous les plans. Alors j'ai de l'émotivité par-dessus la tête quand ça me tente, mais jamais elle me nuit. Mon émotivité ne vient pas perturber mon intellect. C'est là la différence. Mais Daniel, je pense qu'on faisait référence en conférence. Comme là, présentement, tu n'as pas d'émotivité. Non. Elle est canalisée, c'est pour faire place à l'énergie dont tu te sers pour exprimer ce que tu exprimes. Maintenant, peut-être que la personne ressent de l'émotivité parce que tu bouges beaucoup. Mais j'exprime aussi de l'émotivité parce que ça me plaît de l'exprimer. Ou que tu hausses de ton, ainsi de suite, pour rendre la conférence plus intéressante. C'est exactement ça. Mais tu n'es pas un paquet de nerfs, tu n'es pas un paquet d'émotivité. Oh non, je peux parler bien, bien lentement, puis être bien relax, mais c'est parce qu'il vient à un moment donné qu'avec les chaleurs qu'on connaît, ben, tout le monde s'endort. Et moi, le premier. En parlant de dormir, j'ai des rêves qui me disent quand il y a danger ou une situation future. Expliquez-moi ce que je vis. Bon, ben ces rêves-là sont des phénomènes astro. On va avoir prochainement une conférence justement sur l'astral, en août, je crois. Oui, c'est ça. Alors, ce qui fait que là, on va pouvoir expliquer pas mal plus, parce que le rêve, c'est un phénomène astral. C'est un retour dans la mémoire par l'astral, donc par notre émotivité ou par notre intellect ou par les deux, dans la mémoire individuelle de l'être humain ou dans la mémoire planétaire. Et quand on a les rêves, justement, qui sont prémonitoires, c'est des rêves, c'est de type astral, et ce sont des rêves qui peuvent s'avérer vrais comme des rêves qui peuvent s'avérer faux. Et n'importe quel de ces rêves-là, c'est un signe. Mais moi, ça me tenterait de répondre simplement qu'on ne devrait pas se fier jamais à un rêve comme ça. On devrait toujours être attentif. Alors, pas parce que tu viens de rêver que tu étais pour avoir un accident avec ton auto qu'il faut que tu conduises plus prudemment. Tu devrais toujours conduire prudemment. Hein? Alors, c'est pas parce que tu as un avertissement à un moment donné qu'il faut que tu changes ton phénomène de vie. Parce que la journée que tu n'auras pas d'avertissement et que c'est supposé arriver, ben, tu vas être faite. L'être qui est efficace, c'est un être à qui on n'a pas besoin de donner de message parce que cet être-là est continuellement attentif. Tu ne peux pas être plus attentif parce que tu es attentif au maximum de tes capacités. Alors, ce qui fait que le rêve prémonitoire, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est que dans l'astral, c'est une mémoire, et présentement, ben l'astral lui-même, en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau du rêve, au niveau de la planète? Moi, je parle, les murs ici enregistrent tout ce que je dis, enregistrent toutes les impressions qui se passent dans la salle. La matière, elle enregistre très bien. Ici, on a un appareil technologique adéquat, on est capable de relire la matière. Alors, c'est pourquoi que maintenant, on a des cassettes, hein, c'est de la matière qui enregistre. On a des appareils photo, on a des vidéos, on a tellement de choses. Alors, la lumière qui transporte de l'information, c'est de la matière énergétique, mais c'est de la matière quand même qui a une mémoire. Et il faut juste avoir l'appareil pour la relire. Alors, ce qui arrive, c'est que vous, ce que vous faites, la personne qui, ou maintenant n'importe qui, quand vous allez dans votre rêve, quand vous vous placez en contact avec l'astral totalement, ben vous allez simplement lire, parce que vous êtes un appareil extraordinaire pour lire l'astral. Il est limité plus souvent qu'autrement à l'astral personnel, à notre mémoire personnelle. Mais dans le sommeil, on peut être en contact avec des mémoires de l'extérieur, planétaire, dans le conscient aussi, mais c'est moins courant. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que s'il y a un phénomène astral qui est en cours, puis je vais vous donner un exemple bien simple, si moi je décide que je vais tuer Jacques, ben automatiquement dans l'astral, c'est enregistré. Si Jacques fait un rêve, ben, il peut avoir contact avec ça, donc automatiquement, il rêve que je vais le tuer. Dans la matière, ce n'est pas réalisé. C'est pas prémonitoire. Il a simplement eu contact avec quelque chose qui était déjà passé, ma pensée de faire quelque chose, ou une action qui est en train de se faire. C'est plus complexe dans les actions matérielles, mais c'est la même chose. Et puis, à un moment donné, ben là, si deux semaines après, je viens pour attaquer Jacques, ben lui, il a été averti. Mais il n'a pas été averti. C'est simplement que lui a été en contact avec cette forme-là. Et il y a des individus qui ont une affinité, disons, pour rêver, pour aller chercher dans l'astral des choses qui les concernent. D'autres vont rêver à n'importe quoi. Et ceux qui rêvent aux choses qui les concernent, bon, ben eux autres vont appeler ça des rêves prémonitoires. Alors, la seule forme ou sorte de rêve qui n'est pas de type astral, c'est le rêve initiatique. Puis ça, il n'y a pas d'individu présentement, disons, dans la masse qui vit ça. Mais on va faire une conférence directement là-dessus plus tard. C'est quand même assez compliqué et c'est pas mal intéressant. Comment surmonter une frustration qu'on exprime en gourmandise? Bien, évidemment, si on est intellectuel, c'est-à-dire que si on est capable de raisonner, ça donne certaines choses. Maintenant, l'émotivité psychologique veut s'exprimer pareil par des désirs, par des angoisses. Pour l'instant, c'est pas d'arrêter de manger, parce que s'il y a une frustration, c'est simplement d'observer ce qui se passe quand on se sent frustré. Alors, observer, c'est quoi? Puis c'est un phénomène qui est bien simple. Là, j'ai une réponse qui est peut-être courte, là, mais essayez-la, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ça prend le temps que ça prend, par exemple. C'est que quand vous vous sentez frustré, ben faut voir, faut vous observer. Qu'est-ce que vous avez de l'air quand vous vous sentez frustré? Hein? Et puis, si vous avez faim pareil, ben vous bouffez. Essayez au moins de prendre des choses qui sont bonnes pour votre santé. C'est déjà plus intelligent. Du céleri, quelque chose dans le genre. Hein? Je pense pas que la frustration vous porte nécessairement à manger des mi-ouest. Je pense qu'on peut manger d'autres choses. Alors, ce qui fait comme que la frustration porte quelqu'un à taper dans un mur, bon, ben qu'elle s'achète un paquet de styrofoam, puis qu'elle se fasse un mur en styrofoam, c'est moins dommageable pour le point. Alors, il y a moyen quand même, disons, en attendant, temporairement, de rendre ça plus efficace pour notre corps. Le corps est en meilleure santé, donc le cerveau va travailler plus, parce que le cerveau va avoir une meilleure oxygénation, meilleure circulation. Ben, il y a bien des compréhensions mentales. Tout à l'heure, je vous expliquais que le mental avait besoin du cerveau pour pouvoir s'exprimer. Et ça, ça l'amène l'importance, justement, de la condition physique de l'être humain qui veut se transformer. Un être humain qui a un corps physique inadéquat, qui mange inadéquatement, qui respire inadéquatement, qui vit inadéquatement, ben, a un cerveau inadéquat. Qui est bon? Parce que vous allez dire, oui, mais moi, là, malgré tout ce que je fais, là, je suis capable de... Mais imagine-toi ce que tu ferais avec ton cerveau si tu serais en parfaite santé. C'est comme ceux qui fument, par exemple. Ben, moi, je peux courir un mille pareil. Oui, mais imagine-toi, sans fumer, qu'est-ce que tu ferais? Oh, mais mourir de ça ou d'autres choses. C'est vrai. Tu mourras de la cigarette. Moi, je vais mourir de d'autres choses, mais je vais mourir en santé. Tout ça va passer 5 ans être malade avant. C'est la seule différence. Alors, ce qui arrive, c'est que la gourmandise ou n'importe quelle forme d'expression d'un besoin comme ça, tu le règles pas en... Tu veux arrêter de fumer? Ben, peut-être. C'est intelligent. Fume des cigarettes moins fortes en nicotine. Fume... Bon, tu sais, il y a des moyens de préparer notre corps physique à pouvoir plus facilement régler le problème, parce que le mental va pouvoir le régler sur l'émotivité. Bon, mais changer de marque, faites de quoi? On mange, mais mangez des choses au moins qui vont purifier votre corps, qui vont aider votre corps, qui vont faciliter la digestion de votre corps, ou du moins qui vont être facilement digérables par votre corps. C'est déjà une solution intelligente, intellectuelle. Et par après, ben ayez un cerveau plus adéquat pour fonctionner. Ça paraît pas. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas juste un peu plus d'oxygène qui va faire de quoi? Ben oui, parce que prenez de la boisson, puis vous allez remplacer bien des choses dans votre sang. Vous allez amener des choses qui vont perturber. Ben regardez ce que ça donne à un individu qui a bu. Puis un seul verre d'alcool perturbe énormément. Alors quand on mange, quand on consomme bien des choses, on finit par trouver que c'est normal, c'est ma condition normale. Non, vous n'êtes pas normal, pas votre condition normale. Peut-être normal, mais pas naturel, en tout cas. Alors, ce qui fait qu'au début, ben, faut essayer de canaliser notre gourmandise vers des choses qui sont consommables, disons, au moins naturellement, qui sont bonnes pour notre santé. Et là, on va être capable de s'observer d'une façon plus claire et plus nette. Faites du yoga de bord, puis continuez à bouffer, au moins vous allez apprendre à respirer. Faites des marches. Il faut aussi préparer notre corps physique. C'est par le corps physique qu'on a connaissance de l'extérieur et on doit vivre notre vie expérientielle à partir de notre véhicule physique. Si ce véhicule physique-là n'est pas en condition, bien évidemment, il y a bien des problèmes d'autres ordres qui ne peuvent pas être résolus ou qui vont être résolus de peine et de misère. Alors, on s'observe, bien c'est-à-dire qu'on observe simplement comment qu'on est quand on est frustré. À un moment donné, on va réellement découvrir ce qui se passe, ça va disparaître tout seul. Mais même quand c'est disparu la frustration, si on a l'habitude de manger, on continue à manger. Puis on pensait qu'on mange encore parce qu'on a notre frustration. Puis on n'est plus frustré. On est frustré de devoir arrêter de manger, peut-être, mais on n'est plus frustré, c'est plus ça qui nous porte à manger. Alors, c'est pour ça que l'individu doit se surveiller. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont voir des médecins pour des problèmes. Problème irréglé, la personne continue les mêmes manies. L'émotivité te rend asthmatique. T'es plus émotif, t'es encore asthmatique. T'as l'habitude d'être asthmatique. Alors, c'est une autre forme de chose. Alors, ce qui fait qu'en prenant soin de notre corps physique, et puis en s'observant, puis en étant attentif, c'est le mental qui doit surveiller la chose. Il va découvrir des choses, énormément de choses. C'est comme ça qu'on peut faire ça. Pas en voulant arrêter de manger, pas tout de suite, ça ne sert à rien, vous allez être pris. Canalisez ça vers des bonnes choses, observez-vous, votre cerveau va de plus en plus être prêt. Il y a bien des affaires qui disparaissent tout seul, maintenant faites attention. Êtes-vous frustré et vous mangez pour ça? Ben non, la frustration n'existe même plus, puis vous mangez par habitude. Ou parce que vous avez besoin de sécurité. Alors, la bouche, elle bouge, parce que l'homme, dans son évolution, découvre à un moment donné, quand il est petit, le monde par la bouche. Hein, les enfants portent tout à leur bouche. Et puis, c'est sécuritaire. Pourquoi? Parce que quand on a des espèces de stimuli, comme la faim, ben quand on tète, quand on est bébé, automatiquement, on n'a plus de problème. Alors, il y a un moment donné où ce que l'homme a plus de problèmes psychologiques quand il tète. Quand il fume, c'est une forme de tétage. Quand il mange la gomme, des bonbons. Quand il mange, quand il suce son crayon, puis il y en a tant d'autres. Alors, il y a un moment donné, c'est une forme de rassurance. Mais si, évidemment, ce qu'on fait intoxique le corps, bien, par après, il y a aussi une dépendance corporelle. Mais faites attention à la frustration qui vous amène à faire quelque chose et à l'habitude qui va continuer de vous pousser à faire la chose, même si l'affaire est disparue. Lorsque tu observes, Daniel, est-ce que la compréhension du phénomène qui se passe annule l'habitude? S'il y a une observation totale, ça annule l'idée de faire, ou ça annule l'emprise que l'habitude sur toi, mais pas l'habitude. Alors, pour certaines personnes... Faut que tu prennes l'habitude de ne plus avoir cette habitude-là. Alors, pour certaines personnes, ça peut se passer très rapidement, oui. S'il y a compréhension du phénomène. Ah oui, oui, oui, oui. Mais il faut que tu le revives tous les fois qu'il se passe la même chose, c'est normal. La vie, c'est vivant, c'est pas mortel, c'est pas mémoriel. Tu as réglé un problème de peur... Mais tu n'as pas réglé ta peur pour le restant de tes jours. Toutes les fois que tu vas avoir peur, il va falloir que tu t'observes et la peur disparaît. Il y a un moment donné que ça se fait, disons, c'est quand même assez lent, mais disons dans l'espace d'un millième de seconde. Alors toi, mémoriellement parlant, tu penses que tu n'as plus peur. Mais la peur revient, mais automatiquement, tu as installé un réflexe mental au lieu d'avoir des réflexes psychologiques. Et tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle est effacée du moment qu'elle apparaît. Les frustrations, c'est la même chose. Mais tu ne règles pas une habitude en comprenant. Tu règles l'habitude, toutes les fois que tu viens pour, c'est réglé. 2 heures après, bah, c'est encore réglé. Mais tu as encore l'habitude, la mémoire, où tu le ramènes, puis le mental prend l'habitude de tout de suite s'interposer pour observer. Ça, c'est une habitude, ça, c'est ridicule, ça n'a pas d'allure, c'est ça, puis le nil. Pas par un effort de volonté, ça devient un réflexe. Alors, le mental a développé un réflexe, justement. C'est ça. Les réflexes mentaux, ça, on va en reparler plus tard, puis ça, il y a des moyens maintenant d'apprentissage qui existent maintenant pour pouvoir développer chez l'individu des réflexes mentaux. Un réflexe mental, c'est quoi? Cherchez pas ça dans les livres de psychologie, c'est pas encore écrit. Un réflexe mental, c'est quoi? C'est simplement que quand il y a une situation, disons, qui nécessite une réflexion intelligente, intellectuante, donc qui nécessite un apport d'expérience d'une façon coordonnée. Le feu prend ici, bien, automatiquement, si vous avez un réflexe mental, tout de suite, vous allez avoir en mémoire ce que vous devez faire. Des réflexes mentaux. Nous, on a des réflexes psychologiques. Alors, s'il se passe de quoi, bien, on a peur. S'il se passe de quoi, bien, on shake. On essaye de raisonner mentalement avec, mais ça, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. C'est juste de l'émotivité. Alors, si quelqu'un, vous rentrez dans une ruelle bien noire, vous avez un réflexe psychologique, vous avez peur. Il n'y a pas de réflexe mentaux. Alors, on a des réflexes physiques, tout le monde les connaît. Et puis, on a des réflexes psychologiques, tout le monde les connaît. Et les réflexes mentaux, il n'y en a pas gros. Il n'y en a presque pas. Mais ceux-là, il faut les développer, parce que ceux-là qui vont être utiles pour les temps qui s'en viennent. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent facilement, mais effectivement, une personne qui comprend ça règle son problème instantanément. Pourquoi? Parce que le problème va revenir, mais il est automatiquement effacé. Donc, ça donne l'apparence de l'instantanéité en termes de règlement de problème. Comment se fait-il que certaines personnes soient trop émotives, même tout jeunes? L'amour vis-à-vis des autres ou la compassion, ressentir le malheur des autres. Si la pensée prend sa source chez la mémoire. Mais voyez-vous, c'est que la mémoire, c'est notre psychologie, elle est tellement grande, donc monstrueuse dans le sens, immense, qu'elle est capable de faire des choses d'extraordinaires. Quand vous rêvez, vous pouvez rêver, par exemple, que vous avez un accident. Vous pouvez rêver à différentes choses, ou vous allez vous voir, ou encore, vous allez voir quelqu'un d'autre. L'homme est capable, avec ses mémoires, de revivre quelque chose et de se transposer à sa place. Alors, vous voyez un cheval, vous voyez une couleur bleue, vous êtes capable d'imaginer un cheval bleu. Donc, vous êtes capable de voir un cheval avec un cavalier et vous êtes capable d'imaginer le même cheval avec vous comme cavalier. Et ça, on appelle ça de l'imagination. Mais quand cette imagination-là se rapporte à l'extérieur, on appelle ça une projection. Et en psychologie, la projection, c'est assez connu. L'individu finit par se prendre pour l'autre. Quand on voit du sang, puis le sang nous fait peur, c'est parce qu'on sait que le sang coulant, c'est la vie qui coule. Et la vie qui coule, ben si ça sera toi qui seras à sa place, automatiquement, tu as peur du sang. On se projette chez l'autre. Quelqu'un qui souffre, ça nous fait mal, parce qu'on s'imagine à sa place, consciemment ou inconsciemment, et habituellement, c'est inconsciemment. Alors, ça vient de notre mémoire quand même, parce que nous, on sait qu'on peut souffrir. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui s'est fait couper les cheveux, et qui souffre énormément parce qu'il se trouve que lui, dans ses cheveux, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir souffrir. Bien, si vous, vous connaissez la souffrance physique, vous allez pouvoir souffrir avec lui. Mais ça va être drôlement plus difficile parce que vous, vous ne pouvez pas souffrir si on vous coupe les cheveux. Vous ne connaissez pas cette sorte de souffrance-là. Alors, vous allez souffrir en voyant quelque chose. Vous voyez, par exemple, un bateau dans un cale sèche sur le bord d'une plage, tout rouillé, tout pourri. Ça désole l'homme parce qu'il a l'impression de regarder un cadavre. Un cadavre, c'est humain. Et inconsciemment, il y a une projection sur lui-même, là. Vous allez voir un auto accidenté ou quand vous passez devant un cimetière d'auto, des autos toutes bizarres, les bancs, tout ça. Bien, ça fait quelque chose pour bien des individus. Parce que ça ressemble à quelque chose qui, transposé, ressemble à ce qu'ils vont peut-être ressembler un jour. Ben, sans doute. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que quand on voit quelqu'un souffrir, eh bien, nous, on se projette. Et puis, automatiquement, on souffre. Mais on souffre pas réellement, mais on souffre réellement, oui, mais pas d'une chose qui est réelle. Mais c'est ça, la projection. Alors ça, c'est simplement parce qu'on a une mémoire. On a appris qu'on pouvait souffrir. Si quelqu'un passe puis qu'il brise une vitre dans une maison, ça vous fait pas mal. Mais si vous auriez une vitre sur vous, là, une partie de votre corps qui serait de la vitre, ben ça vous ferait mal. Parce que vous, sachant que vous pouvez subir le même sort, ben vous vous transposez, là. Alors quand on regarde certains films, par exemple, c'est juste des films, c'est une farce. Bien, il y a des choses qui nous, justement, on se transpose et on souffre, ou on rit. Bien, on rit souvent de l'aberration, mais par contre, on peut souffrir parce qu'on se transpose, on peut pleurer. On peut ne pas vouloir voir le reste du film, malgré que d'avance, on sait que c'est un film, que c'est juste des acteurs, que c'est un scénario, que c'est irréel. Mais n'empêche qu'on souffre, pourquoi? Parce qu'on se transpose. Vous lisez un livre, il y a des livres qui vont pouvoir frapper les personnes qui se projettent facilement, les personnes sensibles, entre autres. Alors, c'est ça, ça reste quand même que c'est de la mémoire. Parce que vous savez, vous pouvez le vivre. Et ce qui se passe chez l'individu, ben vous le vivez. Pourquoi? Parce que vous vous mettez à sa place. Alors, la psychologie de l'homme a la possibilité de se transposer, donc de se projeter, de faire une projection. Et elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle peut le vivre. Essayez de vous mettre à la place d'une maison. Vous allez voir, c'est compliqué. Mais par la place d'une maison en construction... Mais regardez un fœtus dans un bocal. Vous allez voir, ça peut vous toucher. Pas tout le monde, ça dépend comment on se projette. Regardez un enfant, un bébé qui vient de naître. Il y a bien des choses. Si c'est dans votre mémoire, si ça peut aller avec quelque chose qui concorde avec votre mémoire, vous allez être capable de vous projeter, de vous transposer, là. Et ça, on n'a pas toute la même, disons, facilité ou la même merde, disons, à être transposé ou à se projeter. Mais c'est ce qui amène les douleurs et les malheurs chez les individus. Et c'est typiquement parce que c'est mémoriel. Parce qu'on sait qu'on peut subir le même sort. Sinon, ça ne dérange plus. Ici, il y a trois questions sur la même feuille, Daniel. D'après vous, plus une personne est émotive, plus son mental est perturbé? Question. Bon, non. Par contre, plus la personne est émotive... et qu'elle est, moins le mental a de prise sur l'individu. Le mental n'est pas nécessairement perturbé. Par contre, si le mental veut contrôler, donc plus le mental devient développé, et que la psychologie est développée, le mental va vouloir prendre dessus, et la psychologie aussi. Là, le mental va être perturbé. Mais ce qui arrive plus souvent qu'autrement, c'est que le mental est carrément mis à côté, puis c'est l'émotivité qui embarque. Alors, la personne qui a énormément d'émotivité ne perturbe pas nécessairement son mental. Par contre, le mental n'a pas d'affaire là. Alors, la personne, c'est une personne, justement, qui a des gros problèmes. Une personne qui est extrêmement émotive, bien, des fois, elle le regrette souvent. On pense que c'est une qualité, mais c'est une qualité qui amène des maudits problèmes bien souvent, ça, d'être émotif, hein, d'être trop émotif. Alors, ce qui fait que la personne même, tu vas perturber ton mental quand tu as la capacité mentale de pouvoir faire un travail et que l'émotivité embarque dedans, là, il est perturbé. Mais ça, il faut pas nécessairement une grosse psychologie ou une grosse astrale pour ça. Alors, plus tu as de la psychologie, plus tu as de l'astral, donc plus tu as de mémoire, plus tu as la possibilité d'exprimer de la mémoire, hein, mais plus aussi tu as de la possibilité d'avoir un mental fort, parce que lui dépasse ses mémoires. C'est juste le travail qui se fait entre les deux qui va amener les perturbations. Alors, c'est pas nécessaire, de plus tu as d'émotivité, ben, moins le mental est là, mais c'est pas que le mental est perturbé nécessairement. Mais quand il y a des luttes entre les deux, oui. Puis là, quand il y a des luttes entre les deux, c'est là que l'homme souffre. Quelqu'un qui souffre, qui pleure, puis qui pleure, puis qui pleure, puis qui ne sait pas qu'il pleure, ben il pleure, puis ça le dérange pas, il souffre pas. Mais quand tu sais que tu pleures, puis tu sais qu'il se passe de quoi, puis que tu sais mentalement qu'il vient de se passer de quoi, puis que l'émotivité veut s'exprimer, puis que toi, tu veux pas, tu veux régler ça, c'est là que l'homme souffre. Tu vas voir ton boss, puis tu shakes, tu prends pite les mains, tout. Moi, tu sais, faut que tu serres la main. Mental, il veut pas, mais l'astral, il s'exprime pareil. Là, l'homme, il souffre. Tu sais que ta blonde ou ton chum vient de s'en aller. Puis toi, tu sais que tu devrais bâtir ta vie, mais t'es pas capable, tu broyes. C'est là que tu souffres. L'individu qui sait pas, ben, il sait pas. Mais l'homme veut pas, il est poussé à savoir. Puis quand l'homme commence à savoir, là, il souffre. Là, le mental est perturbé par l'émotivité. C'est là qu'on souffre, mais c'est là qu'il faut qu'on s'en sorte. Où placez-vous le raisonnement? Mais le raisonnement, il y a deux formes de raisonnement. Un qui est logique, donc dans le mental, un qui est illogique, donc dans la psychologie émotive, donc dans l'astral. C'est là que je place le raisonnement. Que pensez-vous des gens qui pensent illogique? Pensent-ils? Une personne qui pense d'une façon illogique, c'est une personne qui est prise par son émotivité astrale, donc par sa psychologie astrale, qui, elle, se prend pour le mental. Tout à l'heure, j'ai fait un petit détour là-dessus. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que si ma psychologie, moi, mettons, moi, je veux jouer à M. Spock. Alors, M. Spock, dans Patrouille du Cosmos, là, dans Star Trek, là, alors vous avez une petite idée, là. Je suis un robot, dont M. Spock. Alors, ce qui arrive, c'est que lui a réponse à tout, logiquement. Alors, si moi, je me prends pour un autre, donc je me prends au sérieux, il ne faut jamais prendre au sérieux. Il faut faire sérieusement des choses. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Alors, ce qui arrive, c'est que si je me prends au sérieux, moi, je devrais avoir réponse à n'importe quoi. Il va-tu pleuvoir dehors? Ah oui, il va pleuvoir, bon. Tu sais, mais tu es sûr de ton coup. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu vas même aller à dire des choses illogiques par rapport à un intellect plus fort que le tien, qui, lui, est capable d'analyser logiquement. C'est pas voler ce que j'ai fait là. Les compagnies sont toutes riches puis nous volent. Mais ça, c'est pas le cerveau logique qui travaille. Ce qui travaille là, c'est notre émotivité qui se prend pour le mental. Quand une personne émet des choses illogiques, c'est son émotivité qui joue un jeu. Ou c'est juste l'émotivité qui s'exprime en manipulant le mental, ou c'est l'émotivité qui se prend pour le mental et qui s'exprime. C'est juste ça qui se passe. Mais un mental, c'est toujours logique. Et une logique mathématique. Quelle est la différence entre l'émotivité et la sensibilité? Ah, ça, c'est une... Ouais, c'est extraordinaire. Ça, je sais qui ça vient. On a parlé en séminaire, et puis l'émotivité, disons que brièvement, c'est très, très, très vaste. La sensibilité, c'est la possibilité qu'a un être évolutionnaire, donc l'homme, entre autres, la possibilité ou la capacité qu'a un être évolutionnaire de pouvoir avoir des émotions, de pouvoir percevoir des émotions, et c'est là l'important, de pouvoir percevoir des émotions, ce qui fait qu'on reste humain. Si quelqu'un a peur, tu le sais. Si ton émotivité embarque, tu es émotif et tu risques d'avoir peur toi aussi, ou de rire de lui, pour te défendre ton émotivité. Si tu es sensible, tu peux percevoir la peur, le mental l'analyse, et le mental va faire en sorte que toi, tu puisses poser une action pour pouvoir aider, c'est-à-dire pour pouvoir éliminer le problème qui est dans l'autre. Et ça, c'est une forme de travail encore émotif, mais c'est quelque chose qui est contrôlé par l'intellect et qui est très extraordinairement constructif par l'être humain. L'être humain, à un moment donné, reste sensible, mais n'est plus émotif. C'est-à-dire que quand il est émotif, Il imite l'émotivité normale de l'homme et l'homme pense qu'il est normal et l'homme pense qu'il a de l'émotivité. Mais l'être sensible, c'est un être qui est capable de percevoir, hein, puis il faut être sensible, mais de là être émotif, c'est d'autres choses. Alors, sensibilité, émotivité, disons que c'est presque la même chose, mais sensibilité, c'est quand c'est intelligent. Et l'émotivité, c'est quand c'est aberrant, parce que c'est pas l'intellect qui le contrôle, l'émotivité sort n'importe quand. Quand c'est pas le temps d'avoir peur, puis qu'il t'as un phénomène qui te stimule la peur, t'as peur. Si tu es sensible, tu es capable de connaître le langage de l'émotivité des autres. Parce que l'individu s'exprime par la parole, mais l'individu s'exprime aussi par son corps et s'exprime par tout ce qu'il peut émettre. Et la sensibilité nous permet justement de pouvoir, et ça c'est astral, mais là c'est un raffinement de l'émotivité, c'est quelque chose de bon dans l'homme parce que c'est intellectuellement dirigé, c'est intelligent, et ça nous permet d'être encore bien plus humain que le pauvre humain qui est émotif, que parce que tu lui dis qu'il y a un gros nez, il te saute dans la face, ben c'est un être humain animal. Quelqu'un qui est sensible, mais quand on parle sensible, c'est pas quelqu'un qui dit que t'as un gros nez puis part à broyer. Ça, c'est de la sensiblerie. Ouais, disons que c'est de la sensiblerie. C'est pas la sensibilité qu'on veut parler. La sensibilité que je parle, c'est la qualité. Comme la sensibilité physique, c'est pas que « ouh, ouch ». Non, c'est « je suis capable, les yeux fermés, de toucher quelque chose et de lire, de percevoir ». C'est de cette sensibilité-là que je parle. Et la sensibilité astrale, la sensibilité émotive, psychologique, c'est celle qui nous permet justement de lire les petits détails même que l'individu qui émet ne connaît même pas. Puis après ça, on s'en sert d'une façon intelligente. L'émotivité, c'est plus ça. Quelle relation y a-t-il? Mardi, j'ai travaillé chez un enfant de 10 ans, les jambes et les cuisses dans le plâtre. Mercredi, je me casse le pied, je deviens immobile. Ben moi, je trouve que c'est drôle. Ben, il y a la relation que l'homme veut qui est. Alors, si c'est une femme, il y a la relation que la femme veut que ce soit, puis si c'est un enfant, c'est la même chose. On cherche souvent des relations dans des choses où il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'une personne a un accident avec son auto, ben, elle venait de s'acheter une nouvelle paire de souliers. Les souliers qui sont rouges. Tout le monde sait que le rouge, ça excite. Ça, c'est peut-être les souliers rouges qui ont fait qu'elle a eu son accident. Bon. Il y a des individus comme ça qui recherchent toujours une raison, une explication. Et ça, c'est le raisonnement émotif. T'sais? Alors, j'ai rêvé à telle affaire, puis peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Alors, on cherche dans les cartes du ciel, on cherche dans l'astrologie, on cherche des choses pour essayer de nous donner une explication à un moment donné à un phénomène. Ben non, moi j'ai travaillé à Sainte-Justine longtemps, j'ai transporté du monde qui était en arrêt cardiaque, j'ai fait bien des choses, puis j'ai jamais vécu ça. Alors c'est simplement, c'est ça, faut pas chercher la leçon. Faut pas chercher à comprendre, disons, la relation. La leçon, elle n'a pas rapport à une relation, elle a rapport à vous. Alors s'il y a une leçon à chercher, c'est à l'intérieur de votre vivant. Comment vous prenez ça? Ben c'est là la leçon. Comment vous chiolez quand vous marchez avec ça? Ben c'est là la leçon. Pas de savoir la relation qu'il y a avec... T'sais, il aurait pu porter le même nom. Puis, tu sais, il y a bien des relations qu'on fait, mais qui servent à rien à l'être humain, qui ne servent à rien. Puis ce qui sert à rien, ben ça sert à rien. Puis ce qui sert à quoi, ça sert à quelque chose. Alors, la relation, il n'y en a pas, mais par contre, vous pouvez en profiter en tabarouette pour pouvoir développer votre équilibre, marchand de quilles, trop, pour pouvoir vous étudier dans ce phénomène-là qui est vivant. Ben c'est là qu'il faut en profiter. Pas la chercher quelle est la relation entre un phénomène puis un autre phénomène, ça c'est ridicule. Quand il pleut, puis vous sortez, puis vous glissez, ben c'est pas à cause qu'il y avait une trop grosse concentration d'acide dans la pluie. Ou que t'as pris ta douche la veille. C'est ça, ou que t'as pris ta douche la veille. C'est simplement que t'as glissé, puis il pleuvait. T'aurais pu glisser, puis il n'y aurait pas plu. Tu sais, c'est simple de même. Lorsqu'on voit un défaut chez quelqu'un, on dit qu'on est devant son miroir. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'on a une mémoire de ce qu'est ce défaut? Est-ce qu'on l'exprime soi-même dans notre comportement? Bon, oui. Plus souvent qu'autrement, la personne qui juge autrui se juge elle-même, sauf qu'elle ne le sait pas. Alors, le défaut, les choses qu'on... L'homme enseigne le mieux et le plus ce qu'il a le plus besoin d'apprendre. Et s'il l'enseigne, c'est parce qu'il le sait déjà. Mais il ne sait pas qu'il le sait. La semaine dernière, on a parlé de la parole qui était d'art, qui était justement un très bon moyen de découvrir ce qu'on savait déjà. Alors, ce qui arrive, c'est que si je regarde quelqu'un, ben les choses qui vont me frapper, c'est des choses que moi, je n'aime pas inconsciemment de moi, Et c'est, je vais remarquer chez autrui, justement, beaucoup plus facilement les choses que j'ai. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est que l'homme ne peut connaître, de par ses mémoires, que ce qu'il a déjà expérimenté. Et l'homme sait expérimenter. L'homme connaît ses problèmes. L'homme, il sait expérimenter. C'est en mémoire, ses problèmes. Mais on ne les voit pas. Par contre, on peut découvrir facilement chez autrui ce qu'on sait déjà, parce qu'on l'a expérimenté. Et comme on sait expérimenter en premier et continuellement, ben plus souvent qu'autrement, ce qu'on découvre chez autrui, c'est ce que nous, on est. Mais on ne sait pas. Mais on n'est pas nécessairement identique à autrui. Une personne qui est trop colérique, ben souvent, on va y dire. Mais il y a bien des formes d'études qu'il faut faire là-dessus. Une chose qui est sûre, c'est que quand quelque chose vous tape ses nerfs, ben étudiez vos nerfs, pas ceux de l'autre. Puis quand vous allez comprendre le problème, ça vous tapera plus ses nerfs. Puis l'autre, ben l'autre, il fera bien ce qu'il voudra. Ça ne dérange plus. Alors, s'il y a quelque chose qui vous frustre, n'importe où, n'importe quoi, dans un événement ou chez un individu, ben c'est ça, c'est chez vous qu'il y a de quoi. Alors, c'est le défaut de ta cuirasse que tu vois chez le voisin. Que si tu es soldat, ben t'aimes pas ça que l'autre, il y a un arc qui tire à 150 pieds. Parce que si t'es à 30 pieds de lui, ta cuirasse, ça va être défoncée par son arc. Alors, tu vas critiquer que le gars, il suit pas les lois normales de la guerre, il suit pas la Convention de Genève, et patati patata. Parce que tu remarques chez lui quelque chose de pas correct. Parce qu'en réalité, c'est chez toi qu'il y a quelque chose de pas correct. Tu aurais une armure en acier bétonné de 3 pieds d'épais, ben, tu verrais pas que son arc, hein, tu rirais comme un fou. Alors, c'est juste ça. Si toi, ta présence me choque, ben, c'est moi qu'il faut que j'aille voir. Parce que s'il faut que je change toute l'humanité pour être en paix, ben Dieu sait que la paix va courir longtemps. Alors, c'est un fait que quand on voit quelque chose chez autrui qui nous tracasse, qui nous chicote, qu'on calcule de pas correct, ben c'est parce que c'est par rapport à nous qu'on le regarde. Donc, nous, notre quoi qui ne fit pas avec. C'est nous qu'il faut étudier. On n'aime pas les menteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils nous disent la vérité. Mais nous, on est souvent bien plus menteurs qu'eux autres, ou du moins autant. Alors, il y a bien des choses, justement, que nous, on remarque chez autrui parce qu'on sait ce que ça donne. Quand tu comptes une menterie à quelqu'un, tu sais que tu viens de le jouer. Donc, tu n'aimeras pas un menteur parce que tu sais qu'il vient de te jouer. C'est pour ça que tu remarques que quelqu'un est menteur. Alors, continuellement... C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, mais c'est pour ça que, effectivement, l'autre est un miroir. Mais pensez pas que c'est un miroir authentique, le miroir en vide, puis lui, il est menteur, donc je suis menteur. Bon, on est tous pas mal menteurs, hein? Mais c'est pas ça. Lui, il est comme ça, mais il y a quelque chose en moi, puis c'est le problème en moi. C'est pas l'autre qu'il faut changer. J'ai eu des bonhommes qui étaient très, très bons, moi, des moteurs. Ben, il allait taper tout du monde parce que le gars, il a pas les cheveux de la bonne couleur. Ben non, parce que l'autre, il aimait pas la face. Ah oui, mais crime. Tu sais, il faut que tu changes l'humanité. Ben, c'est un problème psychologique, c'est la même chose. Tu n'iras pas qu'on veut convaincre quelqu'un qu'il faut qu'il compte la vérité continuellement. Quand lui, c'est très bien qu'à compter des menteries, il a tout ce qu'il veut. Hein? Pourquoi dans le cerveau de l'homme, il y a des atomes qui explosent et des atomes qui sont intacts? Ben là, évidemment, quand les atomes explosent, je sais pas si on parlait de fission nucléaire. Ce qui arrive surtout, c'est qu'il y a des neurones qui meurent. Alors, parlons, disons, qu'allons plus gros que l'atome, il y a des neurones qui meurent. Pourquoi? Parce que on a une intoxication alimentaire continuelle. Une intoxication respiratoire continuelle. Tout à l'heure, je parlais de faire attention à votre cerveau, ben, c'est une chose. Et puis, les cellules qui travaillent continuellement finissent par s'épuiser. Et lentement, ben, elles se défont, elles meurent. L'homme a des milliards de neurones et l'homme se sert, disons, d'un million de neurones. Alors, ce qui fait que l'homme a en masse, il n'y a aucun problème du fait de savoir que ses neurones meurent ou que les atomes explosent. Ceux qui restent intacts, c'est ceux qui ne servent pas souvent. Et puis, à un moment donné, dans certains individus, il y a une transformation de leur cerveau. Alors, évidemment, il y a donc une alchimie cérébrale qui va se passer. Mais encore là, c'est un domaine très, très, très, très, très long à expliquer, parce que là, il faut rentrer dans d'autres plans que la pensée. Ça n'a pas rapport à la pensée, ça a rapport à l'intelligence active ou au cerveau, donc au plan physique. Alors, sur ce, on termine la conférence, Daniel. Je te remercie beaucoup.